de silo heen naar Brezonnik. C'est l'heure de retrouver heen naar Brezonnik. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gario Arvué. Aujourd'hui, on est rendu à l'émission 419, Perran Naontek. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va parler des adjectifs qui se terminent en « us ». Il y a un suffixe « us », hein, un suffixe, c'est ce qu'on met à la fin d'un mot pour en faire un autre, et donc qui permet de faire beaucoup d'adjectifs, hein. Et ce sont des adjectifs qui correspondent un peu aux adjectifs en français qu'on trouve en « e », « ex », et également aux adjectifs qui sont calqués sur les participes présents, c'est-à-dire qui se terminent par « en ». La seule différence, c'est qu'ils sont, ils s'accordent alors que les participes présents ne s'accordent pas, enfin ne s'accordent pas avec le mot qui précède. Voilà, donc, alors ce sont des adjectifs qui sont très nombreux et qui ont un comparatif en usor, hein, et un superlatif en usant. Voilà, on donnera quelques exemples, hein. Alors, je les ai classés un petit peu par leur correspondant en français. Donc, d'abord ceux qui correspondent aux adjectifs calqués sur le participe présent. En, par exemple, pégus, qui veut dire collant. Il y a stargus aussi, hein, attachant, au sens vraiment attachant, quoi, hein, physiquement, quoi. On avait vu l'autre jour risclus, hein, glissant. Voilà. Poésus, important. Alors, des fois, on trouve à la fois un préfixe et un suffixe. Par exemple, discourageus, décourageant, qui ressemble beaucoup au français, d'ailleurs. Dipitus aussi, dipitus qui est décevant, fromus, émouvant, digemerus, accueillant, hein, de digemer, hein, la racine, hein, bien connue, suesus, surprenant, pligius, plaisant, ankenius, angoissant, zentus, obéissant, y en a beaucoup, hein, squisius, fatigant, et le contraire, disquisius, ce serait défatigant, c'est-à-dire reposant, en fait. Spontus. Ouais, celui-là. Ah, moi, je l'aime bien, celui-là. Spontusé, hein. C'est terrible, hein, effrayant. Galudus, hein. Galudus, qui est puissant. Alors, il y a un adjectif qu'on utilisait surtout, pratiquement exclusivement, au niveau religieux, qui est dérivé de Galudus, c'est Olhaludus, tout puissant. Notre Oudou est Olhaludus, hein. Voilà, Didenus attirant. Et voilà, il y en aurait pas mal, hein, comme ça encore, hein. Alors ceux qui correspondent par exemple aux adjectifs en e en français, j'en ai sélectionné quelques-uns. Kevrinus, mystérieux, Dangerus, dangereux, Talvudus, précieux, Carantesus, affectueux, hein, racine, Prisius, précieux, Custus, onéreux, hein, c'est pas low cost, laborus, laborieux, avantageus, hein, alors ça c'est, celui-là est marrant parce que c'est pas tout à fait le même sens qu'en français, avantageux, favorable, hein, évurus, heureux, et puis il y en aurait beaucoup bien sûr, hein, comme ça, mais donc qui ont, alors il y en a qui ont, bon, qui rentrent ni dans la première catégorie ni dans la deuxième, hein, et qui désigne, par exemple, cablus, hein, cablus coupable, hein, poignus, pénible, pardus, ah, celui-là en parle beaucoup, hein, diorun pardus, donc durable, hein, le développement durable, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Perbardus, alors celui-là aussi, perbardus, hein, c'est d'origine religieuse, hein, c'est éternel, hein, c'est un plus que durable, éternel. Truésus, pitoyable. Et alors, il y en a, oui, certains qui correspondent, par exemple, à des adjectifs en able, ou bien un petit peu de tout, quoi. Donc, cela, bon. Effédus, par exemple, hein. Effédus, efficace. Et le contraire, dit effédus. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet. Effédus, hein. Efficace. Inefficace, dit effédus. Clémus, plaintif. Nersus, fort, hein, de nerfs, la force. Voilà. Casus haïssable. Alors, c'est littéralement, c'est haïssable, quoi. Cas, c'est la haine, quoi. Mais c'est un peu énervant, casse-pied, hein. J'aime bien celui-là, il est amusant. Et aquietus, ben, appliqué, attentif. Donc, on va pas trop fatiguer les auditeurs, on va s'arrêter sur, pour ne pas briser leur attention. Pas être trop casus. Ouais, on va pas être trop casus, non. Voilà, aquietus, donc, appliqué, attentif. On passe donc à la deuxième partie d'émission, Présonnec temps matin. Deuxième partie d'émission, Présonnec temps matin. Oui, alors aujourd'hui, comme chaque année, il y a le printemps des poètes, et j'aime bien parler d'un poète. Bon, on a déjà parlé de plusieurs. J'ai envie de parler aujourd'hui d'un poète un peu méconnu, Yves-Marie Le Joncourt. Donc, Yves-Marie Le Joncourt, un enfant de Pommeruy, donc qui n'est pas resté très longtemps à Pommeruy, mais enfin, qui n'y est même pas né, en fait. Mais qui a été élevé à Pommeruy, quoi. Parce que sa mère, donc, qui était Marie-Joseph Le Magourou, était née et a été élevée à Goiserne, hein, au bord du Blavet, là, et donc, Yves Le Magourou, c'était son grand-père. Alors, il y a déjà un moment de ça, hein, puisqu'il est né le 7 juin 1867. Et donc, il a été orphelin de bonheur, puisque ses parents ont été tués par l'épidémie de variole en 1870. Et il a été élevé, alors on sait pas trop comment, par sa famille, et en particulier par un prêtre dont je n'ai pas encore le nom. Donc il y a encore des tas de choses à découvrir à son sujet, quoi. Dans la chanson sur, il a fait plusieurs chansons, on va en reparler, sur les Néro-Roux, c'est-à-dire la rivière du Lor. Il dit Péwanbi en oiseau s'ével puru de l'or wame varous. Donc quand j'étais petit, hein, la Pommeruy était ma commune. Alors il appelle puru de l'or, hein, puisque la commune de Pommeruy est née de la fusion de Pommeruy et du Lor, mm-hmm. hein, en 1832, et c'est souvent un nom qui est utilisé. On le retrouve dans d'autres chansons, hein, puru de l'or, de façon poétique, hein, pour dire Pommeruy. C'est Pommeruy de Quintin, mais Puru de l'Or, voilà. Alors, il a ensuite habité à Péran, hein, en Plounévé-Quintin, Et d'ailleurs, il signe certaines de ses chansons de Alhouedor rue quartier Péran, c'est-à-dire l'alouette rouge du quartier de Péran. Il était rouge parce qu'il était radical socialiste. D'ailleurs, il a fondé la section radicale socialiste de Rostronac. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était important. Hein. Bon, d'ailleurs, il a fait de la politique à Rostronac. Il a été adjoint au maire, et c'est lui qui a fait venir le collège Édouard Herriot, qui a fait construire le. C'est grâce à lui que le collège Édouard Herriot a été construit. Donc, grâce à ses relations avec le parti radical socialiste. Alors, il s'est donc installé à Rostronac et il tenait avec son épouse l'hôtel du commerce ou hôtel Lejoncourt-Gouédard qui se trouvait sur la place du Porzmoëlou. Donc, tout de suite à gauche, quand on arrive en ville de Rostronac, dans le Kergrist, quoi. Et le bâtiment existe encore. Hein. Et alors, il y avait un magasin de vêtements dans cet hôtel. Alors, c'était un hôtel qui était très réputé à l'époque. Hein. Il figurait déjà dans le guide Michelin dans les années 20. Et il y avait, beaucoup de clients qui venaient en voiture. Alors, c'était une attraction un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de voitures automobiles à cette époque-là. Quoi. Voilà. Et donc, il tenait avec son épouse cet hôtel et comme il était tailleur d'habits, il avait aussi un magasin de vêtements. Et il y a toujours un magasin de vêtements, là, c'est les vêtements Le Gouen. Mmh. Donc, voilà. Et alors, c'était un personnage qui avait plein de facettes. Hein. J'ai dit que c'était un homme politique, c'était aussi un lutteur, un lanceur de poids. Un pêcheur, alors il aimait beaucoup aller venir pêcher par ici sur le Blavet et ses affluents, et à la belle saison il n'hésitait pas à dormir au bord de la rivière. Et alors c'était aussi un poète, il a écrit, alors chaque fois par exemple qu'il allait à un mariage ou à un repas, il composait des chansons de circonstances. Alors malheureusement la plupart ont disparu, enfin moi j'en ai une que m'avait donné Jeff Philippe là, qui est une chanson qu'il avait composée en l'honneur des mariés, comme ça, dans un mariage, et qui est pleine de choses facétieuses, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Et alors, il a écrit aussi quelques chansons qui ont été publiées. Donc, en particulier, la chanson des Nez Roses, hein, que je chantonne à chaque ouverture de la pêche dans Pétrasonné, mais en vrai. Et qui est une très belle chanson. Oui, qui est une très belle chanson que j'aime bien, oui. Et donc qui était dédié à Madame l'Ancien, qui était l'épouse de Germain l'Ancien, qui était aussi un chasseur et un pêcheur, hein, et qui était directeur de la manufacture des tabacs de Morlaix, et qui était de natif de Pommery aussi, quoi. Voilà, il a écrit. Alors il y en a une qui a été publiée, qui est la réponse à un vieux paysan là, Responder paysan de cause, qui a été publié pour les élections de 1932. Alors où Erwan Obrenberg fait la promotion de son candidat William Lott contre le marquis de Kerouac. Et puis il y en a aussi une qui est très très intéressante, qui est très longue, c'est une chanson un débat. Alors ça, c'était des chansons qu'on faisait beaucoup à cette époque-là, une dispute, quoi. Donc là, c'est un débat entre le buveur de lait et le buveur de mic, hein, c'est-à-dire de café largement arrosé, quoi. Mm-hmm. Donc, un débat assez vif entre ces deux personnages, l'un qui boit que du lait et l'autre qui aime bien le mic bien arrosé, quoi. Voilà. Et puis, certainement qu'on pourrait en trouver d'autres, hein. Bon, il y a encore beaucoup de choses à trouver, hein, sur ce personnage, et puis, et c'est intéressant. Alors, au point de vue langue, c'est intéressant parce que il écrivait un petit peu à sa fantaisie, hein. Il avait son orthographe à lui, assez variable d'ailleurs des fois. Et qui est là, plutôt du breton fanche, hein. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Et alors, il est décédé à Rostronac le 8 mars 1963. Donc, il a quand même vécu 96 ans. Hein, ce qui est déjà pas mal. C'était pas mal, il était assez mal parti au départ, mais puisque ses parents sont morts très rapidement, il a échappé à la variole et il a vécu presque 100 ans, quoi. Alors, une vie bien remplie et très riche, quoi. Voilà. Voilà un petit aperçu. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, hein, sur ce personnage. Et il reste beaucoup de choses à trouver encore. Voilà. Très bien, on passe à la troisième partie de l'émission. Petra Zonévi-Avrou. Troisième partie d'émission, Petra Zonévi Avrou Eri. Kalz draou Zonévi Bavrou evel jus boer vej di ouzan. Krogom de diantan evel kiz a kustum, gant de labour douar hag vui war ar mez. Erion bremañ ba neve amzer, e gwan eus o bet kloa, a skorn an eus kebet nag amzer yin pe vel ar an mat. Med dour zo bet dour a gavel zo bet leiz. Ez am vefe bet bremañ kad un tom amzer zir, un tom amzer vrav, de zéro en douar, hag vin m'avez fait bet de ez d'or la bourio, war a parkeia. Neveso, ba Paris zo bet de salon ze la bour douar, a kal ze brisio zo bet reo d'or vretonet, koul zvid o londet vel vid or bouet, hein, produ e d'armant ur gist a bouedel, hein, trowel, hag zo bet kal ze medaleno, a zo bet roet, kal ze vedaleno, zo bet roet d'or vretonet. Hag deus meus kled zo bet kal ze dud, hein, ba salons, pur zo bet spen 600.000 ar blamant. Nor ke bet ba salons? Non. Non, non, minon. Minon ke bet de blam, met ma trez en bet de bla, well vo. De vej me de gontin ket ar kal de zen en dro, met de l'arrerin o ne ba gerio di war ben ar politik erez. Un DL, bah, mon tour, le zoabit, m'vaud meur, or bon édo rue. Agar, zo deux tudes de ce père Ranevro, un tam, gant bon édo rue, à banier l'ougwenadu. Ag, bon, zo bit cal, zo dud, war d'eau tripé per mille, hein, war en que juste, pesa, de ce vélard, dern l'art à tripé per mille, dern l'art à mur. Ag, gred oabit, gant, bon édo ruse, zo bit gred, cahier ou clem. On tombe vel oa begret rogen dispar, hein, cahier de doléance. Hag, bon, kalz e drog zo veskrivet ba oar a haier nog ze. Hag, setu zo gret kinigou gant e bonnet do ru, vid amzer de zon, ur vro. Bon, gwell, le vod pe sa mod mo kon, bo kond, hein. E bonnet do ru ne spied et fanch o land, don de vel ne, me ne ke zur te fe me mestra, wel vo. Bon, kalz e drog zo, ur mar emañ an tamm reuz hag an tamm tamm brud, ba vro, gant ar vota degou. Hag pudur un eve amzer zo ordin amzer ur vota degou. Aliz ve gred ur vota degou, ba miz meurs, petra man ba miz ebol, blan me vo ba miz meurs. Hag ur blaman, ya, juz mat, vo vota degou vid ur parouzioù, hein, vid guzulerien hag emerioù. A kalz e dud zo war a rank. Virion e diz henvel e en trou hervi ar parouzioù. Blas Ouzo et Bid Stert Kartu dans Noir Ring. Mammes, bonne vie, j'ai vécu car trawar, on a vécu car de hinibin, mammes, avec Juan d'endormir. A galerel, zo calz, hein, niverus, hein, leur, l'air zo, diupéder listen, hein. Gwegel, vige gwel, d'un dude, glas kemon war a ring, gis, y'a de gambali, hein, vige, un dude, fale, re wa kazmon ba husil, ba hansai. Hag bon peyant ban rao d'or botre da regal ir mer hat gant lot seir pe tramant gant paquedou kafe. Hein. Echu e nam zor zin hein, de hag bromen ve neptor heureuz hein, ve vid gwegel goz gant zin. Ve gwel gwel vetu de monte gant bal ime pas tiem edel me mestra. Bon, blam vo gred vel just zo bet komzet eus bep sa traoù, ya. Juan wale lard, komzet zo bet deus ar brezhonek, ba vid ar vot adegou, pez oa vijek e gret gwegel. Gwegel, na mam, neus ket gwal pel zo, hein, bet a bremen vijek komzet deus ar brezhonek na deus zevela du revro. Ba vid ar vot adegou, komzet vijek deus un nechou, deus savadurioù, deus un ekonomiez, mais j'ai que comme de ce présent de hein. Oh là là monte de comme de si hein Zelta hein. Vel va fait bid on dra loose benek on dra didal ve hein bon ag blanc mes obé commence de gonse de si puis tu resobé tu de vel réseau ba aita hein ce goule quand un du doit avoir un ring pite jonge hein. Vika sur présent de guaro aziz on dra vente de gaftine hein. Bon alice vet tape fal réseau war un dileni di ag réseau war ring. Et vite répondre, hein, puis dur n'est que béjon, je calge, basé, bétac, vraiment, j'en gèle, rende, ben, le végèle, vous comme ze mieux, arroise de c, mais de, bêta vraiment, pévigé, comme ze de zévénadur, et comme de zévénadur, digas, de zlérel, André Malraux, hez, oua, tient tant de ministres zévénadur, zo bêt, ba Provence, l'arrêt, une gale, qui veut juste, hein, Malraux, noir, et que présent, donc, hein, j'ai clair, à Galare, grâce aux maisons de la culture, ce qui est produit à Paris sera vu dans les 6 mois en province. De l'arrêt des, évitant, Zévena, du objet. On dra croué de bapar, ils accassent de, ou l'air de plus que de mes défis, quoi. Zo, chôme, bah, l'air elle. À Gaspire, elle se zo chôme, hein. Bêta, vraiment. C'est une bonne, Alice, une dilénie, d'une que quand je réponds, je suis dehors, hein. Pe ve komz eo de se. Met jonjal rand ben vegel oaz o komz eo de mur oaz de se, quoi. Bon, vizion montant moardach en ar politik erez, ba miz me, ben war nugen deus miz me, vo vot adegou oaz, vid bro Europa. Hag az eus o seiskan hantar deputé de gaz de parlement de bro Europa, benefin. Hag, dig, au nom noir, dig de zun député, ze vo dilen et gant Provence, hein. Bon, pio dior, zo perz e gatriu gant vid Provence, hein. Pezra au nom noir, dig, juste, hein. Bon, mais de se vo compte roise, hein, de rog misme, hein. Vo tro de compte de se roise. Warda, chenor, zevena, dur, ve der ma, troc de l'ard, hein. Bah, vro, en pio dior, zevena, dur, zo pinvic, tre. Das queer, bon, aïe, adar et amzer, kander bob, bah, fine misevel, vos gred, nem vos bras, bah, pondi, agaze vos gwel roise, à vos clèves, hein, zonerien, conterien, à bob sortud, au labourat, wardash en ur zevenadur, agar skolio evel juste, hein, zo ur bija dur dermat, Kled ar vugal eo komz brezhonek, hag kan ar brezhonek. Me rog evet just vo nem vodou evel vo ba melkarez en ba en tregont de ze miz meurs. Hag ba miz me vo redadek, hein, vid ar brezhonek, hein, tre monturlez a gronvel. Me pas oa reun, hein, pu dur reun 1050 kilomet tre, tre monturlez a gronvel, hein, rederien. Hag, bon, echu ur edadek, ba gronvel, hein, bon, ba vidgwel en drugen gol, hein, benefin. hag blanc me waran ke just dren blar trem no gwel kleve de meus trem no redad ba trem malgat ba tier gris hag ba vro an mon tom hag no ke stern mont velne a de re la courage de hein, de haloup da ka bon un re niveau roan hay de haloup da bon piguir on koms ba on koms de se son eres un ba kalak zo war stern o skol son eres a ma yama ad un trou e vo digor ad ben un distro skol ba mis gwen golo. Ba lokarn e bet digor de war an ton braz bourg, bourg mo neve hag hen vers zo bet c'hal nevezet hag a ze oa o neba de pen ou braz un dro de notre oumer hein, brie ur bozeg zo bremañ o hont de leuske di garg. E vi dechu i me soan de l'ar d'an tam ur dier di war ben Alphonse Arzel zo et de nan ang nevezo. Hag an din zo neus labour kalz vid ar vro, war bep sor trao, me an arve de dreistol vid eus tourm neus gred oa l'er pense an amboko kadix, hag oa belouz da no da oa ur vro gant an mod spontus. Bon, setu on tam tro de war tous pesone ve ar vro, hag l'ar ar amdar kenavo, chilo eo erien deus e bella deus e dos. Tien ar vegel.